Par le fond, par Pauline Pucciano. Jessie Cash, 1961-1963. La vie est une histoire contée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Comment ose-t-on écrire après Shakespeare? Je suis pris au seuil de ce récit d'un vertige d'humilité, et je demande pardon au lecteur de me laisser aller à cette pulsion obscène, écrire. Exprimer le gémissement de mon âme hantée, me soulager d'une partie de moi-même qui pèse de plus en plus lourd et me fait pencher vers la terre. La vie est une histoire contée par un idiot et c'est moi, l'idiot, qui vais vous conter une histoire. Histoire d'une vie pleine de silence et de fureur, une vie qui vient de s'éteindre, de se refermer sur l'écran noir d'un couvercle de cercueil. Une vie qui n'est pas la mienne, mais qui s'est infiltrée en moi, et dont le souvenir tourne sans cesse dans ma mémoire, comme un appel au sens, car elle ne signifie rien. Césaire a dit « Je serai la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. » Et moi, je voudrais sortir son malheur du silence et de la fureur. Audrey H. est morte à entière. Il n'y a que moi, pour parler. Moi, le vieux bonhomme noir, qui n'avait rien à faire dans cette histoire de blanc. Moi, le communiste, qui n'avait rien à faire dans ses douleurs bourgeoises, moi, le psychiatre, à qui seul elle parlait. Mes patients cherchent le miracle de la parole vivante, de la parole orale. Je n'ai jamais été très doué pour ça. Je fais partie de ces créatures amphibies qui se meuvent dans un milieu mais ne respirent que dans un autre. L'écrit est pour moi une terre natale, une rivière où je m'abreuve, un ciel dont je sais nommer les étoiles, et qui m'offre le sens du monde. Lire me nourrit, et écrire est ce que je fais quand je ne peux plus pleurer. Et les vieux bonshommes noirs ne peuvent pas souvent se permettre de pleurer, surtout quand ils sont psychiatres. Je sais par où commencer ce récit. J'ai remonté son fil mille fois dans ma mémoire. Un fil rouge, devrais-je ajouter, non seulement parce que c'est l'expression consacrée, mais surtout parce que ces mots donnent une image frappante de ce que cela représente pour moi. Un sillon sanglant dans ma chair, une racine tortueuse et inarrachable, un écheveau de douleur. La raison, l'éthique professionnelle, la morale, me dictent la réserve. Mais je ne peux faire abstraction du sentiment que j'éprouve à l'heure d'écrire ces lignes. Un sentiment terrible, d'échec et de compassion mêlée, le sentiment d'avoir été placé là par le destin, pour sauver des vies que je n'étais capable que de regarder sombrer. L'histoire de la famille H, pour des raisons que j'ignore et que par commodité j'attribue au hasard, a traversé la mienne. Cette liane m'a saisi, entouré, relâché, retrouvé pendant plus de 30 ans. Je rencontrai les H pour la première fois au mois de juillet 1963, dans leur immense propriété au bord de l'Yveuse. Je résidais à la ville depuis peu. Je n'avais pas encore monté ma clinique et mon cabinet donnant sur la Grand Rue était l'un de ces lieux mixtes dont la plaque de cuivre portait « docteur en médecine, psychiatre » mais qui aurait pu porter également « guérisseur, confesseur et conseiller ». J'avais presque inconsciemment partagé ma semaine en deux. Et si le lundi, le mercredi et le vendredi, je recevais les visites des petites gens de toutes sortes, j'avais pris l'habitude de recevoir le mardi et le jeudi la bourgeoisie la plus huppée et la plus dédaigneuse de la contrée. J'étais le médecin de campagne pour les uns et le spécialiste pour les autres. Et si je faisais rarement payer les premiers, je pratiquais à l'encontre des seconds et sans scrupule une politique d'honoraires libre et non conventionnée qui me permettait non seulement de vivre, mais de me faire une réputation. Car nul ne confond plus aveuglément la cherté et la qualité que les gens riches. C'était, je m'en souviens, un mois de juillet très chaud, un de ces étés où le parfum des cerises et des roses planait dans l'air et rentrait par les fenêtres ouvertes avec les cris des enfants désœuvrés qui jouaient dans la rue. C'était un vendredi, et je venais de raccompagner mon dernier patient en fin d'après-midi lorsque le téléphone sonna. C'était Monsieur H, que je ne connaissais que de nom. Je ne saurais me souvenir exactement des mots qu'il employa. Par déformation professionnelle, je n'entends pas les mots convenus. Mon attention les traverse comme un milieu transparent, pour se porter sur ce qu'il n'arrive pas à cacher, les intonations, le débit de parole. Et lorsque je le vois, la physionomie et les gestes de mon interlocuteur me laissent une impression plus profonde et un souvenir plus durable. Les mots décalés, surprenants, répétés ou évités se détachent également du discours comme des pépites de sens qui accrocheraient la lumière dans un courant boueux que je laisse filer. Il me demandait de venir sans tarder à la pommeraie, où il y avait eu un accident. Il y avait eu une noyade, il craignait pour les nerfs de sa femme, il me dédommagerait de mon dérangement. Je sentais l'homme de pouvoir, habitué à maîtriser la situation, en proie à une panique qu'il cherchait à contenir. Il ne me révéla pas l'identité de la victime, et je supposais qu'il devait s'agir de quelqu'un de très proche, pour qu'il évitât ainsi de prononcer son nom. Une heure plus tard, ma petite automobile se garait sur le gravier de l'allée de la Pommeraie, à côté de la grande et rutilante berline familiale. Je fus saisi par la beauté du lieu, l'élégance de la vieille demeure à colombage, la profonde impression de paix qui émanait du parc, un jardin à l'anglaise, finement paysagé, dont les multiples allées et recoins semblaient démultiplier l'espace. Rien ne traînait, ni jouets, ni tas de feuilles, ni outils, ni lunettes de soleil oubliées sur les chaises longues. Ce lieu me fit, dès le jardin, l'effet de ces demeures musées, dans lesquelles on répugne à toucher les objets, de peur de les briser, ou de briser l'ordre pétrifié dans lequel ils sont disposés, dans lesquels on parle toujours bas, même lorsqu'on se bat, et où les enfants errent, traînant leurs mines chlorotiques à la recherche d'une place qu'ils n'ont pas. Cette impression s'intensifia lorsque je pénétrai dans le vestibule, de vieux meubles, luisant dans caustique, des marines médiocres rehaussées de cadres dorés, dormaient dans la pénombre des tentures, bercées par le tic-tac oppressant d'une grande pendule normande. Mes pas étouffés par l'épaisseur du tapis ne brisèrent pas le silence impressionnant qui régnait ici en maître. Une porte s'ouvrit cependant assez vite, et M. H. m'accueillit, la voix et le visage grave, les yeux secs, mais traversés par éclairs d'une douleur profonde. On devait lui avoir parlé de moi, car il ne manifesta aucune surprise à ma vue, et avec une affabilité presque professionnelle, il me remercia de ma promptitude. C'était à l'époque un homme jeune d'environ 35 ans, rasé de près, vêtu pour le week-end de vêtements de sport souples et coûteux, qui devait être fier de sa prestance. Mais il ne songeait pas à lui à l'heure où je le rencontrais. Le soulagement qu'il paraissait éprouver de me voir me laissait deviner l'impatience où il s'était trouvé. « Vous m'avez parlé d'une noyade ?» demandai-je. Ses yeux se détournèrent. « Oui, un terrible accident, notre petite fille, suivez-moi. » Il ouvrit une autre porte, qui s'avéra être celle d'une grande cuisine. Deux petites filles vêtues à l'identique se trouvaient là. La première, de 2 ans à peine, les vêtements encore mouillés, était allongée sur la grande table de marbre sous les cuivres étincelants. La seconde, à peine plus âgée, de 3 ans environ, s'enfuit à mon entrée, et je ne vis d'elle que ses deux petites nattes et sa jolie robe de Vichy rose qui gagnait précipitamment le jardin. Je devinais qu'elle était restée là, seule, à côté du cadavre de sa sœur, et me promis de lui parler avant de partir. J'examinai rapidement le corps, étreint par la révolte instinctive et violente que j'éprouve toujours devant la mort des enfants. Celle-ci était morte depuis moins de 2 heures. Son corps n'était pas resté longtemps dans l'eau. On devinait qu'elle portait encore des couches dans sa petite culotte assortie à sa robe. Ma première réaction fut de me dire qu'elle devait avoir froid, là, sur ce marbre, avec ses vêtements mouillés. Je prolongeai l'examen au-delà de ce qu'il était nécessaire, pour me laisser le temps de me ressaisir. Elle n'avait plus froid, bien sûr, mais comment sa mère avait-elle pu la laisser là, dégoulinante, sur la table de la cuisine? J'ai été habitué à ne pas juger les gens. Mais mon émotion me mettait en colère et je songeais qu'une mère dans cette circonstance aurait dû sécher son enfant avec la serviette la plus douce, peigner ses cheveux emmêlés d'herbe, lui mettre sa plus jolie robe et la coucher dans son lit. Mais j'étais payé pour savoir que la souffrance est multiforme et que son expression, encore plus que celle du plaisir, est imprévisible et singulière. Je ravalais donc mon jugement avant de me tourner vers M. H. Je le surpris en train de m'observer. C'était probablement la première fois qu'il voyait un homme noir de près, et dans l'hébétude de son accablement, Il s'était laissé aller à la curiosité que lui inspirait le grain de ma peau et la texture de mes cheveux. Il se reprit d'ailleurs avec une rapidité surprenante, et habitué comme je l'étais à ces points de racisme ordinaire, je ne lui en voulus pas. « Je vais dresser le certificat de décès, » déclarai-je. « Comment vous sentez-vous » Il fut déconcerté en homme habitué à poser les questions plutôt qu'à y répondre. « Je ne sais pas, » finit-il par dire. « Je n'ai pas encore réalisé. » Alors, pour la première fois peut-être, il regarda sa fille minuscule et trempée qu'il avait peut-être réveillée cette nuit pour un cauchemar, et des larmes brusques et fugitives mouillèrent ses yeux gris. Je détournai les yeux par discrétion. « Vous devriez la sécher, » hasardai-je. « La police m'a demandé de laisser tout en l'état, » dit-il d'une voix absente. Malgré la curiosité qui me brûlait, j'avais conscience que je n'avais aucun droit de lui demander comment c'était arrivé, et me repliai sur mes devoirs professionnels. Pendant que je rédigeais, debout, appuyé sur le plan de travail, l'acte de décès, il restait immobile au chevet de sa fille. « Comment s'appelle-t-elle » demandai-je, en utilisant exprès le présent pour ne pas le heurter. « Jessica, » articula-t-il, « 2 août 1961. » Je lui tendis le papier qu'il prit en me remerciant. « Vous étiez inquiet pour votre femme lorsque vous m'avez téléphoné, » remarquai-je. « Voulez-vous que je la voie ?» Il se précipita sur l'occasion que je lui donnais de reprendre les rênes, de sortir de cette cuisine suffocante, de quitter l'enfant horriblement immobile. « Ma femme est d'une nature très nerveuse, » me dit-il en s'écartant pour me laisser franchir la porte. Elle, sa phrase fut interrompue par l'arrivée de la police, dont la voiture fit crisser le gravier. « Elle est dans sa chambre, au premier étage, première porte de gauche. Vous m'excuserez, docteur Michel, si je ne puis vous accompagner. Juste une dernière chose, » risquai-je. « Ne laissez pas votre autre fille toute seule. Elle doit être en état de choc et... « Elle est avec son frère, » coupa-t-il. « Si vous souhaitez prendre la mesure de son état, je vous permets de lui parler après votre entretien avec mon épouse. Maintenant, excusez-moi. » Le policier en civil se présentait à l'entrée et je montai l'escalier pour couper court aux présentations. Je m'arrêtai quelques instants devant la porte, incertain de ce que j'allais trouver derrière. Comment se figurer la détresse psychique d'une mère venant de perdre une petite fille de 2 ans, moins de 2 heures auparavant? Je frappai et une voix me répondit immédiatement « Entrez ». Je ne sais pourquoi, j'attendis encore quelques instants et la voix reprit plus forte avec une pointe d'autorité « Entrez ». Je songeai que c'était là le ton qu'elle employait avec sa bonne et poussai la porte avec douceur. Une jeune femme élancée se trouvait devant un miroir en pied et finissait d'arranger une robe noire qu'elle venait manifestement de passer. Elle ne se retourna pas tout de suite, mais m'aperçut dans la glace où je surpris son expression de recul, qu'elle ne prit pas, comme son mari, la peine de dissimuler. Je me sentis obscurément rabaissé par le ton qu'elle avait employé, comme par ce regard. « Je suis le docteur Michel, » dis-je. « Votre mari m'envoie pour m'assurer que vous supportez le choc. » Elle se retourna enfin, et son expression que j'avais surprise dans le miroir avait changé. Elle était impeccable, digne, les yeux à peine gonflés, souligné d'un maquillage léger. « Je ne vous attendais pas, » dit-elle. « Voulez-vous que je revienne plus tard ? Non, je vous en prie. Il faudrait me prescrire des somnifères. J'ai déjà tant de mal à dormir d'ordinaire, et maintenant j'ai l'impression que je ne retrouverai jamais le sommeil. Bien sûr. Jessica n'avait jamais posé de problème, voyez-vous. La grossesse était passée facilement, pas comme pour Audrey. Et puis elle était si jolie, avec ses yeux bleus. Elle me ressemblait tant. Vous savez, parfois je me dis qu'elle n'était pas de ce monde, elle était trop parfaite. Et puis voilà, tous ces efforts, toute cette fatigue, l'allaitement, les petits soins, l'inquiétude constante, et pourquoi ? La vie est injuste, docteur. La chambre était, à l'image du reste de la maison, parfaitement tenue. À peine un magazine traînait-il sur le lit, avec le couple Kennedy en couverture. Je sortis une ordonnance en proie à un malaise croissant dont elle ne semblait pas s'apercevoir. Vous savez que je n'ai rien pu tirer d'Audrey, ni de Pierre d'ailleurs. Audrey était si jalouse. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Ils étaient tous les trois au jardin, ça s'est passé si vite. Et puis, j'ai vu mon mari livide avec la petite dans les bras. Docteur, c'était affreux. Ses yeux grands ouverts, vous savez, comme un cristal brisé en mille morceaux. Elle suffoqua au souvenir des yeux vitreux de sa fille et je m'approchai d'elle. Elle était prise de tremblement. « Ses yeux sont-ils encore ouverts, docteur ?»« Non, » dis-je tout bas, « ils sont fermés maintenant. » « N'allez pas me juger, docteur, mais je ne veux pas la voir. » Elle ferma les yeux pour prendre une profonde inspiration qui l'aida à calmer le tremblement de ses membres. « Je fais du yoga, vous savez, ça m'aide lorsque j'ai des crises. »« Là, vous voyez ?» Elle se tint toute droite et reprit deux ou trois profondes inspirations. « Vous devez connaître la médecine orientale, naturellement, » dit-elle. Je ne répondis rien, et je crois qu'elle prit conscience elle-même de l'absurdité de ses paroles. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour les médecines primitives. Je trouve que la rationalité occidentale nous a fait beaucoup perdre de notre contact inné avec les forces de la nature. Je l'écoutais sans répondre, comme j'ai l'habitude de le faire quand les gens s'égarent. Elle eut un petit rire gracieux qui mit fin à la gêne qu'elle avait brièvement éprouvée. « Quand pensez-vous qu'aura lieu l'enterrement ?» demanda-t-elle ensuite, brusquement sérieuse. « Je ne sais pas, madame. La police est en bas. »« La police ? Quelle horreur ! On ne va pas soupçonner un meurtre, n'est-ce pas ?»« J'en doute, madame. » »« Mais les morts brutales amènent toujours un cortège de formalités légales. »« La mort est si laide et si malséante, » murmura-t-elle. « Mais je vous retiens inutilement. À moins que vous ne puissiez me faire cette ordonnance dont nous avons parlé, je n'ai pas besoin de vous. » Il est de mon devoir de vous prodiguer un conseil, madame. Ah oui ? demanda-t-elle d'un air froid, et je sentis qu'elle avait horreur des conseils et qu'elle les prenait comme des insultes. Il arrive fréquemment que, lors d'un deuil, on nie la réalité de la mort. Cette phase du deuil peut durer plus ou moins longtemps. On croit voir le mort dans la rue, on croit reconnaître sa voix au téléphone, on rêve de lui de manière obsédante. Venez-en au fait, je vous prie. Faire ses adieux aux morts en se forçant à voir le cadavre peut aider à accepter la réalité en face. Je ne suis pas une personne religieuse, monsieur, et toutes ces cérémonies me paraissent parfaitement archaïques. À quoi sert-il de lui faire mes adieux alors qu'elle est déjà partie ? Il ne s'agissait que d'un conseil, madame. Me permettrez-vous de dire quelques mots à vos enfants et de m'assurer qu'ils supportent la situation ? Il va bien falloir qu'ils la supportent, dit-elle un peu brutalement, puis elle reprit avec plus de douceur. « Mais bien sûr, docteur, faites ce que vous devez. » Je sortis un stylo de mon sac et lui prescrivis un somnifère léger. Elle s'y connaissait manifestement en pharmacopée, car elle eut une moue dubitative. Elle n'osa cependant pas me critiquer ouvertement, et je pris congé le plus poliment que je pus. Je suppris l'évocation de ce souvenir d'une sorte de vision. Je vois cette femme, riche et élégante, se regarder dans son miroir, et en face d'elle, la mort, la faucheuse hideuse et rapace, patiente et sûre de sa moisson. Et ces deux figures de femmes se tournent autour dans une sorte de danse macabre qui durera 30 ans. Jessica, la première, puis Pierre et enfin Audrey. Cette femme, sous les apparences bourgeoises, du mariage et de la maternité, n'a fécondé que la destruction, sans le voir, sans le vouloir, sans le savoir, juste en étant ce qu'elle était, dans son miroir. Mais il me faut rassembler les forces vives de ma mémoire et conjurer les brumes de mon imagination. Je sortis de sa chambre en proie à un malaise grandissant et me jurai de ne pas ressortir de la maison sans avoir parlé aux enfants. J'entendais les policiers qui questionnaient respectueusement M. H. dans la cuisine. Je fermai les yeux et tendis l'oreille. Où serais-je allé si j'étais une petite fille de 3 ans ? Si la colère de ma mère me faisait peur, si mon père était occupé avec des adultes en uniforme, si le corps étrange de ma sœur était déposé comme un gibet sur la table de la cuisine. Je suivrai mon frère, aveuglément, dans l'espoir qu'il me rassure. Et si j'étais un petit garçon de 7 ans, si je me sentais en faute parce qu'un terrible malheur avait frappé la maisonnée en ma présence, si je devais protéger ma petite sœur de tous ces adultes qu'il ne comprenait pas, où irais-je ? Il devait bien y avoir au fond du jardin, quelque part, un lieu isolé qui leur appartenait, un sanctuaire de désordre et de saleté dont ils avaient pris possession et où ils traînaient leur enfance. Je ne faisais aucun bruit sur les tapis profonds et je risquais un œil derrière les portes entrebâillées des chambres. La chambre du garçon, propre et nette comme celle d'un petit soldat, arborait un magnifique train électrique flambant neuf. Venait-il de le recevoir ou, comme je le craignais, n'avait-il ou ne se sentait-il pas le droit de jouer avec ? de faire dérailler les luxueuses locomotives et de précipiter les wagons vernis dans de terribles accidents ferroviaires. Le même spectacle m'attendait dans la chambre des filles, où l'espace central était occupé par une gigantesque maison de poupée qui paraissait la réplique en miniature de la maison réelle. Chaque petit meuble en bois bien disposé à sa place, chaque petite casserole en cuivre bien alignée dans la minuscule cuisine, chaque poupée figée à jamais dans une occupation de façade. Les chambres étouffées de luxe et d'ennui, les enfants ne devaient qu'y dormir. Je découvris un escalier de service qui menait directement au jardin, et sans perdre de temps, je pris le parti de m'engager dans la partie la plus arborée du jardin. Je ne tardai pas d'ailleurs à découvrir ce que je cherchais, un recoin assez vaste, derrière des bosquets, presque totalement enclos de végétation, où se tenaient, assis sur des pierres plates qui semblaient leur être familières, le petit garçon et la petite fille. Ils se tenaient par la main, tout assis qu'ils étaient, et me considéraient gravement, sans surprise, mais avec un certain effroi. Ils étaient silencieux, les traits crispés, et je me demandais si c'était mon irruption qui les avait fait taire ou s'ils se tenaient là, silencieux, main dans la main depuis longtemps. Je m'accroupis à bonne distance d'eux. « J'aime ce petit coin, » dis-je d'un air engageant. « La maison est un peu trop solennelle. »« Vous êtes policier ?» demanda Pierre. « Non. »« Il est marron, » dit Audrey. Je souris. « Oui, je suis marron. » Même si en général on dit plutôt noir. « Et je suis docteur. Je m'appelle le docteur Michel. » « Vous êtes venu pour soigner Jessica ?» demanda Pierre. « Votre père m'a appelé pour que je vienne la voir, mais pas pour la soigner. Elle est morte, » ajoutai-je. « On ne peut pas soigner la mort. » Les deux enfants ne savaient plus quoi me dire et attendaient que je m'en aille. J'avais troublé leur intimité. Je les regardais un moment sans parler, car ils avaient l'air du genre silencieux. « Je peux m'asseoir là ?» demandai-je en désignant une troisième pierre plate. « C'est la pierre de Jessica, » dit Audrey. « Alors je vais m'asseoir par terre. » Je m'assis et je fermai un moment les yeux. Quand je les rouvris, ils semblaient s'être un peu détendus et m'observaient avec beaucoup d'attention. « Vous allez nous emmener ?» demanda Audrey. « Non, » dis-je en souriant. « Bien sûr que non. Tu as peur que je vous emmène ?»« Non, je n'ai pas peur. Tu as peur de rester ici ?» Elle ne dit rien, me fixa intensément et hocha la tête en signe d'assentiment. « Pourquoi ?» demandai-je. « Jessica me fait peur dans la cuisine, » dit-elle. « Elle ne va pas rester là, » dis-je. « On va l'enterrer, » dit Pierre à sa sœur d'un air docte. « On fera une cérémonie à l'église, puis on la mettra dans un cercueil, et on le fermera et on le mettra dans la terre. »« Ah, » dit Audrey, « alors on mangera encore sur la table de la cuisine ?» Je secouai la tête en souriant. « La cuisine redeviendra comme avant, » dis-je, « mais votre vie, pas tout à fait, parce que votre petite sœur ne sera plus là. » « Maman va être furieuse, » dit Pierre avec anxiété. « Oui, » dit Audrey, « c'était sa petite fille préférée. »« Les mamans sont toujours tristes quand elles perdent leurs enfants, » dis-je. « Parfois leur tristesse ressemble à de la colère. » J'hésitais un instant, puis je me risquais à leur poser la question. « Vous étiez là lorsque Jessica s'est noyée ? Vous voulez en parler ?» Audrey regarda son frère avec frayeur et je sentis que je n'aurais pas dû les brusquer. Le petit garçon serra la main de sa sœur et ferma son visage. Il me regardait toujours, mais je sentis que le semblant de confiance que j'avais instauré était brisé. « Lorsque les policiers seront partis, peut-être devriez-vous rejoindre votre papa, » dis-je en me levant. Ils ne répondirent pas. « Bon, alors il me reste à vous dire au revoir. » Ils me regardèrent partir, muets, et l'image de ces deux enfants assis sur des pierres derrière un bosquet, attendant indéfiniment quelque chose qui ne venait pas, s'imprima profondément en moi. Je me surpris à repenser à eux, souvent, comme à ces enfants fantômes, hantant la vieille demeure anglaise du tour d'écrou de Henry James. Comme eux, ils détenaient le secret d'une mort violente, et comme eux, se taisaient. Étaient-ils vraiment plus vivants que leurs sœurs? Je n'eus pas beaucoup de chemin à parcourir pour découvrir l'étang, où probablement le drame avait eu lieu. C'était un petit étang d'agrément, plein de vases et de poissons, peu profond. Je fermai les yeux, debout devant l'étang, en essayant d'imaginer l'instant. C'est l'heure creuse de l'après-déjeuner. Le soleil est haut dans le ciel et toutes les portes et les fenêtres de la maison sont ouvertes. Les parents sont occupés. Madame H a mal à la tête, ou bien elle a mal dormi et souhaite se reposer un moment. Monsieur H s'enferme un moment dans son bureau. La cuisinière s'occupe de la vaisselle. La nurse ne travaille pas le week-end. Pierre demande à ses parents s'ils peuvent aller jouer au jardin tous les trois. et on lui répond oui, sans vraiment faire attention. Ils sortent. Que font-ils? Ils vont probablement s'asseoir chacun sur leur pierre, et puis ils inventent un jeu, une partie de cache-cache, une chasse au trésor. Et puis, plusieurs images se superposent. Les deux plus grands continuent à jouer, ils sont complices, et rechignent à se laisser ralentir par Jessica, qui n'est encore qu'un bébé. L'oublie-t-il? L'écarte-t-il de leur jeu? La punissent-ils pour quelques crimes enfantins? Jessica s'ennuie toute seule et regarde les poissons de plus près. Elle entre dans l'eau, glisse, s'amuse avec la boue, puis elle perd l'équilibre, panique, essaie de crier, et ses poumons s'emplissent de vase. Où étaient les autres? Sont-ils arrivés, essoufflés, riant aux éclats pour la dernière fois de leur enfance, quand ils l'ont vu flotter, les cheveux épars, la face dans l'eau? L'un d'entre eux a-t-il vu la scène? Est-il resté fasciné, obsédé par la terreur de ne pas se salir, de voir jusqu'au bout ce qui se déroulait? Je rouvris les yeux et frissonnai longuement dans l'air du soir. Il était temps que je reparte. Je n'avais que trop traîné à la pommeraie et rien ne justifiait que je m'attarde. Je ne croisais personne sur mon chemin et fis le trajet du retour de manière purement automatique dans ma petite voiture. Le destin m'avait ferré. J'avais mordu à l'hameçon de cette souffrance entrevue. Et lorsque je lus, le lendemain, dans le journal local, l'avis de décès et l'annonce des obsèques, je sus immédiatement que j'y assisterais. Je ne sus jamais si Madame H. avait changé d'avis et fini par suivre mon conseil, ou si elle avait simplement donné les ordres concernant sa fille. En tout cas, le lendemain, la fillette fut exposée, dans une gerbe de dentelle et de fleurs blanches, ses cheveux piqués de marguerite, dans un cercueil minuscule et verni, tout capitonné de blanc, qui me fit, je ne sais pourquoi, penser au petit meuble verni de la maison de poupée. Elle était là, cette toute petite fille, comme une minuscule mariée, pareille comme elle ne l'avait été, peut-être, que pour son baptême, comme si tous les sacrements se jouaient pour elle en une seule fois. Je pris place dans la foule qui lui rendait les derniers hommages. Obereaux, banquiers, avocats, médecins, voisins, tout le monde, même le maire, lui retirer son chapeau et considérer un instant cette aberration consternante, cette petite bouche à jamais fermée sur des dents de lait à peine écloses, qui avait eu à peine le temps de sourire. Je ne fus sans doute pas étreint par la même émotion que la veille, et ne pus m'empêcher d'observer la famille qui se tenait debout à côté du cercueil. Monsieur H., très digne, jetait de temps à autre un coup d'œil à sa fille, et son regard, lorsqu'il le détournait, paraissait à chaque fois vieilli. Madame H. se tenait très droite, son visage masqué par un voile, et répondait aux condoléances avec un courage que tout le monde salua. Pierre avait l'air plus mort que sa sœur, dans son costume noir trop grand pour lui. Il était d'une grande pâleur, le visage fermé, dur, les lèvres pincées. Audrey, qui paraissait presque aussi petite que sa sœur morte, et qui peut-être pour la première fois n'était pas habillée comme elle, se dandinait impatiemment entre son frère et sa mère, ivre de cette foule, de ces odeurs d'église, de l'étrange et dérangeante beauté du petit cadavre qui prenait tant de place dans la nef. Je remarquai que sans cesser de répondre poliment à une femme qui lui présentait ses condoléances, Madame H. lui pinça sévèrement le bras pour qu'elle se tînt tranquille. Audrey ne broncha pas et se figea à son tour. C'était plus que n'en pouvait supporter ses 3 ans. Je ne garde pas souvenir de la messe, mais je remarquai qu'un photographe vint prendre des clichés de Jessica avant la fermeture de la bière et qu'on distribua à chaque personne de l'assistance une rose blanche. Le cercueil fut hissé sur un corbillard à l'ancienne, tiré par des chevaux noirs, et la lente procession le suivit jusqu'au caveau familial. Je demeurai, en ma qualité de vague connaissance, très loin de la famille H. au moment de l'enterrement. Mais au dire de toute cette petite ville de province, ce furent des obsèques très réussies.